1980, agressé chez que d'enfants, ouvertement déclaré et malgré un passage par un hôtel Dieu à Paris, où tient lieu la surprise d'une femme fontaine africaine, qui sera ma maîtresse fougasse et un autre hôpital particulièrement sinistre à Malaga, gelé par des coups de soufre. Je me remets doucement et j'engage de ma propre contre la vie puritaine de mes parents en thérapie lacanienne qui continue à l'actualité d'analyse. On perd loyalement le meilleur de ses prestiges et mirages. Avec Marie-Carmen, Augusta Sadia, sœur d'artiste gay, sœur de coulée ultra-traducteur et patristique, sœur de lesbienne, fille de militaire franquiste, qui laissera sa marque. Et alors, dans la rupture, je serai amoureux d'une artiste colombienne et lui de la nation. Je suis devenu pour de vrai un peintre. J'ai commencé un long roman. Avant 5, je peux dire que j'étais heureux. J'intègre la faculté de Beaux-Arts de Grenoble. Tout le monde est troublé, mais la fraternité sera progressivement pourrie. Et quand à moi je lis les cours, je rate même des cours pour lire. Certains me considèrent un peu damné. Je suis un jeune homme angoissé, quelqu'un qui a un problème. Suite à ma militance, je prends parti à la constitution du mouvement d'agitation libertaire. Je m'accroche à l'œuvre de Pierre Pozzosti et de son banc de Vianne comme libre initiateur en tant qu'artiste. Je lis de la philosophie postmoderne classique. Je décide de ne plus dessiner des bébés et je vais tenir à la pure peinture le métier d'artiste moderne. En 1995, des expositions de peintures en commun avec le grand monsieur qui m'introduit dans le cadre de flamenco, le fait particulier de l'ambiance. Je donne des cours de peinture à des groupes d'adultes pour aider ma compagne qui est enceinte. 1999-2003. J'étudie le programme de langue et littérature espagnole pour devenir professeur. C'est la volonté de ma famille, pas la mienne, mais cela permet quelques années où je peux subvenir aux frais de mon fils et sa mère, qui sont loin de l'Andalousie à Barcelone. J'écris beaucoup.